Il semble évident que pour ne pas mettre en danger des usagers fragiles tels que les piétons ou les cyclistes, il faille laisser entre eux et mon véhicule un intervalle suffisant. Hors agglomération, celui-ci doit être au minimum d'1,50 m. Cette route est large, l'accotement aussi. J'ai assez d'espace pour croiser ce piéton en toute sécurité. Réponse B.